comme à notre habitude, mesdames, messieurs. Interrogation. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. Nous nous interrogeons encore ce matin. Ça fait nous faire sourire ce matin. Qu'il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois sur votre chaîne préférée qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Dans sa longue marche vers la souveraineté et la liberté, l'Afrique fait souvent l'expérience des conflits armés qui naissent un peu partout sur le continent noir. Ayant pour point de départ l'ethnie, la tribu en tant que groupe social qui se construit et se déconstruit ou alors se reconstruit dans les relations qu'il a l'un avec l'autre. Ces conflits se nourrissent désormais des sentiments tels que le tribalisme, le régionalisme, l'ethnicisme, etc. Pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître que les tribus entre elles n'ont vraiment pas de mal à vivre ensemble. Mais les questions que nous sommes en droit de nous poser sont celles de savoir ce qu'est une ethnie, une tribu en sociologie, d'où peuvent provenir les guerres civiles et ethniques sur le continent noir. Et comment le tribalisme peut-il être perçu comme source de violence politique et ethnique dans un continent où les liens de parenté sont sacrés? Telle est notre problématique, notre question qui, tout au long de cette autre édition de Parole panafricaniste, définira justement l'ethnie en tant que catégorie sociologique avant justement de dégager les causes de la violence politique et ethnique en Afrique. Finalement, à qui profite le crime? On aime bien souvent poser cette question. À qui profite le tribalisme? À qui profite le régionalisme et à qui profite l'ethnicisme? Car jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain, eh bien, bien avant, est-ce que cela existe? Allez savoir. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était bon de mettre ce sujet sur la table. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. En tout cas, c'est notre grande interrogation ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Banakani encore cet après-midi. Président Banakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour, bon après-midi, Justin Gosse. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour l'Africanist TV en ta compagnie. Excellent modérateur, excellent journaliste. Vos preuves ont été faites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne gère pas les statistiques de l'Africanist TV, mais je pense que nos abonnés sont en constante évolution. Oui. Le condamné m'aurait surpris d'ailleurs. J'ai une pensée pour votre épouse, même comme une adorable abonnée de Panafricaniste TV, n'aime pas que nous saluions les épouses, mais c'est important de le faire. Je pense que elle l'a compris, hein, la dame, et je pense que c'est une fidèle téléspectatrice qui nous suit d'ailleurs. Nous l'aimons beaucoup. Voilà, nous l'aimons énormément, et nous savons qu'elle nous suit depuis de longues années aujourd'hui. Président Banakani, le sujet qui nous intéresse, Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement, je commence par là. Est-ce que c'est un frein au développement? Comme toujours, dans notre démarche pédagogique, il faut poser les mots. Il faut faire atterrir les mots. Quand ils sont montés très haut, il faut les faire descendre. Comme ça, on simplifie la compréhension. D'abord, qu'est-ce qu'un frein? Un frein, c'est quelque chose qui bloque, qui ralentit, qui bloque un processus. Mais un facteur, c'est un élément qui concourt à un résultat. C'est deux choses différentes. Très bien. Alors quand on décide, on dit que l'ethnie en soi, un frein, le mouvement africain, c'est une confusion intellectuelle. Et c'est fait exprès. Oui. C'est une confusion intellectuelle. Il faut clarifier les choses. L'ethnie a toujours existé. Quand l'Afrique a connu les hauts, l'ethnie était là. Oui. Quand l'Afrique connaît les bas, l'ethnie est là. Exact. Mais donc, à partir de là, on ne peut pas dire que l'ethnie est un frein absolu au développement. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut toujours inscrire les mots et leur signification dans les processus historiques. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on dit, ce qui désigne les choses. et les processus, mon cher Ngoz, ont une puissance de transformer les choses, ces choses-là, de les dénaturer. Donc, commençons par expliquer, prenons leurs explications à eux, ce qu'ils disent. Hein. L'ethnie, ensemble de personnes qui que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. C'est leur définition. C'est leur définition. C'est ce qu'ils disent. Alors, groupe humain qui partage une même culture, en particulier pour la langue et les traditions. C'est ce que voilà comment ils définissent l'ethnie. Donc, alors, quand vous avez une telle définition, vous voyez que l'historicité de l'ethnie est ôtée de la définition. Écoutez bien, ensemble de personnes qui rapprochent un certain nombre, que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. On peut avoir une langue morte, on peut avoir des cultures mortes, c'est-à-dire des cultures qui se sont folklorisées, qui se sont, il y a un mot là, qui sont figées, des cultures qui se sont, il y a un mot là, il y a un mot précis, c'est pas qui m'échappe. Mais quand on présente l'ennemi comme ça, vous lui ôtez tout le mouvement, tout son dynamisme historique. Et c'est fait à dessein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre la définition pour vrai. Parce que la définition est une arme idéologique, une arme de combat. Celui qui définit quelque chose a l'avantage que celui qui définit. Et toi, tu vas subir la définition qu'on t'impose. Tu dois définir les choses toi aussi. Il faut qu'il y ait un choc de définition. À partir de là, on va discuter à égal à égal. Et le mot va avoir une polysémie qui va être avantageuse. Y compris pour le mot, mais pour ceux qui veulent l'utiliser. C'est important. Vous voyez que cette définition de l'ennemi, ça n'a pas de sens. Mais ça arrange certains. Ça arrange certains. Alors, la tribu, groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique, réelle, ou supposée dans les sociétés pré-industrielles. C'est ce qu'ils disent. Vous voyez donc? Voilà. C'est ce qu'ils disent. Bon. Quand vous écoutez ça, ça rend compte de quoi? C'est quoi société pré-industrielle? Ça veut dire quoi? C'est quoi une société pré-industrielle? Qu'est-ce qu'on met dedans? Vous voyez très bien que, là encore, la typologie ici va à une connotation, qu'on demande ce que les gens croient, à une connotation qui vise si une société n'est pas industrialisée, a priori, elle est en retard, y compris les populations qui habitent cette société. Donc, il faut qu'on les civilise. Mais comprendre. C'est-à-dire que la non-industrialisation veut dire que ceux qui sont non-industrialisés sont des sous-hommes. Donc, les industrialisateurs qui viennent chez vous sont supérieurs à vous. Vous voyez comment c'est très fin, hein? C'est très fin. Mais quand vous commencez à étudier l'étymologie des mots, vous faites attention. Tous ces jours-là. Alors, si on part de cette base-là, ben, évidemment, votre question, où est l'orientation qui est claire? Le débat est déjà faussé. On peut dire, oui, c'est un frein. À ce moment-là, ce n'est plus l'impérialisme qui est un frein. Ce ne sont pas les violences que nous subissons qui sont un frein. Ce n'est pas la division du travail international qui est un problème. Mais on évacue ça. Et on met donc sur la table la question ethnique. Et on commence donc à expliquer les sociétés africaines comme étant les sociétés extrêmement ethniques qui ont un ethnicisme débordant. Il y a une inflation d'ethnie en Afrique qui font que, vraiment, si on les aide pas, ils vont se suicider. Il faut vraiment qu'on soit sous assistance pour que le trop-plein d'ethnicisme ne nous suicide pas. Et c'est comme ça qu'on a présenté l'Afrique. C'est comme ça que l'ethnologie coloniale a présenté l'Afrique. Des gens qui n'ont jamais fait l'histoire. Quand le drogué qu'on appelle Sarkozy, ce malade mental, va à Dakar dire ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est un discours qui est basé sur la science ethnologique. On a classé les Africains, hein, on a typifié les Africains comme n'étant pas capables de faire l'histoire et même de l'avoir fait un jour. Donc ce sont des groupes, ce sont des ethnies, ils sont hors de l'histoire, ils ne connaissent pas la gestion du temps. C'est des sauvages. Le temps historique, ils ne connaissent pas ça. Oui. Ils sont dans un cycle qui se répète. Chaque fois, comme disait Hegel, ils sont dans la répétition cyclique, ils ne sont pas dans l'histoire. Donc, ce sont des sociétés arrêtées, se sont arrêtées. Le temps s'est arrêté chez eux, et il n'y a rien là qu'on peut tirer de bon, hors de l'histoire. D'ailleurs, ils n'ont même pas de constitution, disait Hegel. L'histoire commence avec la constitution, un peuple. Hegel. Alors, des groupes de tribus n'ont pas de constitution. Ils ne sont pas dans l'histoire. et un brillant sujet comme Hegel peut être bizarrement extrêmement raciste. Extrêmement raciste. C'est-à-dire que la science de Hegel n'est pas possible sans le racisme. Vous voyez, c'est ça l'Europe, c'est ça comme ça a été. Parce que justement, on a ce type de préjugé, le préjugé sur les populations et consorts. Mais est-ce que la race blanche, les blancs, la race blanche, c'est pas une ethnie? Mais c'est une grande ethnie, c'est une ethnie. L'ethnie blanche, c'est une ethnie. Et il y a beaucoup de sous-ethnies là-dedans, Mais est-ce que c'est comme ça qu'ils se présentent? Ils se présentent comme ayant dépassé l'ethnie. Ils nagent dans les lumières célestes et ils tutoient Dieu. Et du coup, ils sont intelligents. Blonds, aux yeux bleus, dolicéphalés. Toutes ces choses ne sont pas par hasard. Ça rentre dans un cadre logique qui vise, n'est-ce pas, à perpétuer la supériorité des uns sur les autres. Donc, on n'analyse pas l'Afrique comme ça. L'Afrique n'est pas une juxtaposition d'ethnie. C'est faux. Tous les faits historiques démontrent ça. Ça n'a pas de sens. On raconte n'importe quoi. L'Afrique, l'ethnie, c'est quoi? C'est quoi l'ethnie? L'ethnie, c'est au-delà de ce qu'ils disent. L'ethnie est, quand on dit quoi, on peut estimer que l'ethnie est une formation socio-historique. C'est une formation socio-historique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes qui, en plus d'avoir des mêmes traits de civilisation, mais ont une mémoire historique. Ils ont une mémoire historique. Et cette mémoire historique, ils sont dans l'histoire. Ils sont dans l'histoire. Ils peuvent vous raconter les combats qu'ils ont menés, comment l'ethnie s'est constituée historiquement. Ils ont des références, n'est-ce pas? À un niveau même très élevé, vous ne pouvez même pas imaginer, qui les constitue comme peuple. Oui. Comme peuple. Et ils ont une conscience historique, je dis en tant qu'ethnie. Alors, l'ethnie peut être peut être une partie d'un empire qui a chuté. Vous voyez qu'il y a un groupe ethnique, il y a des ethnies qui sont la conséquence de la chute de l'empire. Le facteur unificateur n'est plus là. Les gens se retrouvent comme dans des situations ethniques parce que l'élément fédérateur n'est plus là. Mais quand on les avait fédérés, ils étaient quoi? Ils étaient quoi en ce moment-là? Ils étaient quoi? Donc, il faut faire attention. L'ethnie, ce n'est pas seulement le fait qu'on parle la même langue et tout. L'ethnie, c'est une conception de l'économie. C'est un rapport à l'économie. C'est un rapport à l'environnement. Les ethnies vous expliquent c'est quoi l'environnement. Il y a une science ethnique qui vous explique c'est que la nature. C'est quoi le vent? C'est quoi le ciel? C'est quoi l'eau? Il y a une maîtrise des éléments. La science ethnique, il y a la science. Les gens ont des savoirs. Les gens ont des technologies. Donc, c'est pas seulement le fait de faire, entre guillemets, des grimaces, comme ils aiment parler, des grimaces, danser, mettre des, porter des vêtements, des masques. Il y a beaucoup d'autres choses qui font l'ethnie. L'ethnie qui maîtrise les mathématiques, qui savent soigner, qui maîtrisent les soins, qui ont des technologies, qui savent construire, qui ont des architectures très avancées. Ouais, bon, alors, ça veut dire quoi? Quand on dit ethnie, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui démontre que les États-nations, parlons comme ça, sont supérieurs aux ethnies? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de... Si on prend leur bilan historique, les deux, qu'est-ce qui démontre que l'État-nation est supérieur à l'ethnie en tant que catégorie historique opératoire? Si on met de côté le préjugé. Donc, l'ethnie, en tant que telle, donc, ces ethnies-là, qui distinguent de la tribu, parce que quand c'est la tribu, vous dites que non, c'était là avant l'État. Quel État? Quel État? L'État colonial? Parce qu'avant ça, il y avait les États en Afrique. Des grands États. L'État est né en Afrique. L'Afrique a connu tous les types d'États. L'État est né en Afrique. Le concept d'État s'est constitué en Afrique. Mais là, quand vous dites que bon, des tribus, groupes sociaux et politiques fondés sur une parenté ethnique réelle ou supposée dans la société pré-industrielle. Maintenant, on vous dit, d'un point de vue historique, une tribu consiste en une formation sociale existant avant la formation de l'État. Alors, tu es naïf quand tu lis Wikipédia, leur bêtise là. Allez, tu tombes dedans, tu répètes. Je m'excuse. Tu répètes. Non, c'est pas de ça que tu as dit. Tu passes à côté. Parce que, ben, on parle de quel État? Si on considère que l'État dont on parle, c'est l'État colonial, alors lui, il a amené le progrès. Il a amené les routes, les hôpitaux, la civilisation. Mais on parle de quel État? Je vous dis qu'avant L'État est né en Afrique et l'Afrique est le continent qui a conceptualisé et développé l'État au niveau le plus élevé, avant tout le reste. Donc, quand on parle de l'ethnie, faites attention, l'ethnie c'est un réserve de savoir historique. À travers l'ethnie, vous entrez dans les empires qui se sont effondrés hier. Vous prenez une ethnie, vous voyagez dans les empires dont l'ethnie a été un élément constituant important. Ou un groupe d'ethnie a été l'élément constituant important. Si vous voulez connaître l'Égypte antique, il y a des ethnies qui sont la mémoire de l'Égypte antique. Pourtant, l'Égypte antique en tant qu'État n'existe pas. Mais l'Égypte, ça vaut cher en ta job. Oui. Donc, il faut faire attention quand on vient dire c'est un frein. Non, l'ethnie n'est pas un frein. La tribu n'est pas un frein en soi. On appelle ça la tribalité. L'ethnicité, c'est une richesse, c'est pas un frein en soi. Attention. C'est devenu un frein pourquoi? Comment ça devient un frein? Parce qu'on reste au courant. Mais celui qui est venu et a réinventé la tribu, l'a créée en Afrique pour en faire une catégorie opératoire à son service, c'est l'Occident. Parce que vous ne comprenez pas les ethnies africaines si vous ne connaissez pas toute l'histoire africaine. Les empires, les grands pays, les grandes nations comme l'Égypte antique. Vous avez l'explication des ethnies actuelles quand vous remontez l'histoire de ces empires-là, l'histoire de ces grands pays qui s'étaient constitués. Et vous avez donc l'historicité au sens le plus global du mot, de l'ethnie. Et vous savez où se situe l'ethnie. Vous voyez une ethnie, vous comprenez, n'est-ce pas, son histoire, vous comprenez son origine, et vous pouvez profiter de ses savoirs, de savoir-faire, de patrimoine ethnique, dans une perspective historique. C'est ce que tu n'as pas fait. Vous voyez donc que l'ethnie, en soi, n'est rien si on ne la réconcilie pas avec son passé, ce qu'elle a été dans le cadre d'un empire, d'un grand État, n'est-ce pas? Et son devenir. Et ce devenir-là, on ne le comprend pas si on ne veut pas élucider les nouveaux rapports sociaux qui sont organisés et construits par l'arrivée des impérialistes, par notre rencontre avec l'Occident. Mais si vous sortez l'ethnie de là, vous inventez une ethnie, c'est ça l'invention de l'ethnie. C'est-à-dire comme étant une catégorie essentialisée, c'est-à-dire que qu'on peut comprendre en dehors de tout son environnement historique que je viens de vous situer. C'est pas ce que vous comprenez. C'est très différent. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'Égypte antique est tombée, quand nos empires sont tombés, déjà avec l'islam et après l'Occident, ils sont venus redonner un sens aux ethnies. Je dis sens au mot objectif. Ils ont dénaturé les situations ethniques qu'ils ont trouvées. Ils ont dénaturé pour que désormais, donc, l'ethnie qu'ils vont créer soit à leur service. On peut commencer à déconstruire les ethnies qu'on a trouvées, fabriquer les fausses lignées de chefs, n'est-ce pas, détruire les langues et faire des classements en ethnie docile, ethnie dangereuse, ethnie inclassable. Le colon, il y avait des bonnes ethnies. C'est-à-dire les ennemis qui étaient ennemis de nom, qu'on avait complètement dénaturé. On a truqué les chefferies pour les sociétés céphales, les sociétés acéphales et leur système original d'organisation. On a complètement dénaturé ça. On a créé des chefferies. On a créé des chefferies supérieures. On a fabriqué des chefs qu'on a initiés dans des loges, dans des sociétés secrètes. Et ils mettaient tous les attributs, entre guillemets, de la culture africaine, mais ils n'étaient plus les Africains. Plus africains. Et nos nationalités ethniques ont perdu le sens de l'histoire. Mais qu'elles avaient pourtant hier. La période intermédiaire où l'Afrique a chuté et qu'il y a eu ce que j'appelle la désagrégation, n'est-ce pas, en termes ethniques, était provisoire. L'Europe est passée par là. C'est quoi le Moyen-Âge européen? C'est quoi? Mais est-ce que ça empêchait qu'il y ait une reconstitution plus tard en État-nation? Et même en Empire? Donc si on avait laissé cette situation transitoire, garder son endogénéité, qui peut parier ce qui serait sorti de là? L'histoire se serait répétée en avançant, puisque on a fait les empires, on a fait les grands états, non? Oui. Alors l'histoire se serait répétée dans le cadre d'un progrès. Mais maintenant que L'ennemi est arrivé. Il a créé l'ethnie. Il a inventé l'ethnie. Il a créé l'ethnie. Il a même nommé les ethnies. Il les a nommées. Il les a reconstituées. En les déconnectant de leur source, de leur histoire. C'est ça le frein. Parce que ces ethnies-là sont manipulées par l'Occident. Cette ethnicité que tu as bien fait d'appeler tribalisme et ethnicisme, c'est ça qu'il faut appeler tribalisme et ethnicisme. C'est ça. Voilà l'ethnicisme, voilà le tribalisme. C'est ça. Et c'est ça donc qui est activé jusqu'à aujourd'hui pour être un frein aux révolutions africaines. Prenez un pays comme le Cameroun. La France, qu'est-ce qu'elle a fait? La France a créé les ethnies dangereuses. Alors, elle a décidé que telle ethnie désormais est dangereuse. Telle ethnie est bonne. Il y avait les bonnes ethnies. Elle a fait des pactes. Le contrôle du Vidicom Douala, prenons Douala, n'était possible que parce que les Français ont saccagé tous les vrais chefs qui étaient là. Et les ont remplacés par des faux chefs qui, jusqu'à aujourd'hui, leur ont pour vrai village Paris. C'est-à-dire que ils mettent les pagnes, ils mettent tous ces machins, ils vont parler avec les esprits dans l'eau, tout ça c'est bien. Mais s'ils font pas un tour à Paris, tout ça c'est zéro. Parce qu'en fait, ils rendent compte la nuit dans des francs-maçonneries, dans des loges rhétoriciennes. Est-ce que vous me suivez là? Donc, c'est vrai pour Douala, c'est vrai pour beaucoup de pays africains. Où les ethnies sont utilisées dans ce genre de jeu, parce que elles sont déjà dénaturées. L'ethnicité a été remplacée, est devenue ethnicisme, est devenue tribalisme. Là maintenant, je préfère dire, je suis tel, je suis un Sawa, je suis un Bamileke, je suis un, entre guillemets, nordiste. Mais je le dis quand je suis en face d'un compatriote qui est d'une, entre guillemets, d'un autre groupe ethnique. Mais quand je suis en face de la France, non, je suis français. Vous voyez très bien que on dépasse l'ethnie, mais pour aller dans la francité de bas niveau, une francité de bas niveau, une occidentalité de secondaire de bas niveau, là, il n'y a pas de problème là-bas. On est très à l'aise. Mais quand vous faites le même dépassement avec son frère, avec qui même on est de la même ethnie générale, la même grande ethnie. C'est-à-dire, parlons comme ça, puisqu'on est dans le cadre de débat sur l'ethnicité, avec qui même on a même a dit que c'est ton frère. Parlons comme ça. Du point de vue, ethnique, c'est ton frère. Monsieur de Patois, pas possible. On fait la guerre. On s'entretue. Dans le cadre d'une géo-ethnie, c'est-à-dire, la géopolitisation de l'ethnie. On appelle ça la géo-ethnie. Dans le cadre d'une géo-ethnie qui a été organisée par la France. Au Cameroun, par exemple. Il y a des tribus, entre guillemets, au Cameroun, des groupes sociaux. Je préfère ce mot-là, parce que moi, je veux pas. Il y a des groupes sociaux à qui l'accès au pouvoir est interdit à cause de leur comportement pendant la guerre d'indépendance. Vous le savez, non? C'est dangereux. Ça dit que, quand les Français créent l'arsenal sud au Cameroun, c'est pourquoi l'arsenal sud? C'était fabriqué pour écarter des groupes sociaux, ethniques, considérés comme dangereux parce qu'ils ont eu le culot de porter le mouvement de libération nationale du pays. Mais vous savez très bien qu'un mouvement de libération nationale signifie dépassement de l'ennemi, non? Vous le savez, non? C'est un mouvement transcendant de l'ennemi. C'est un mouvement national. Et surtout national. Alors, mais pour que, par exemple, la France au Cameroun puisse dire que l'UPC n'est pas un mouvement national, il fallait qu'elle fasse de l'UPC un groupe ethnique qui est la France. Et la France. Et qu'elle va essayer d'opposer à d'autres groupes que l'Europe a avant dénaturé. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, on a tout fait pour dire que l'UPC c'est le Bassar, ou bien un groupe, c'est un Bamileke. Mais c'est faux. Les vrais rapports secrets français, eux-mêmes disent que non, c'était un mouvement national, authentique, un des plus grands mouvements nationalistes de l'histoire du monde. Dans l'idée d'un dépassement. Vous voyez donc très bien que dans ça, il est question de préjugés des tribus et des ethnies qu'on a fabriqués pour bloquer l'histoire des pays africains, pour empêcher le mouvement historique. Parce que la tendance historique des Africains, ça a toujours été de s'élever au niveau des États, au niveau des empires. Ça a toujours été de partir des concessions familiales de la famille pour se hisser au concept le plus élevé de la vie sociale, qui est la nation, qui est même le global. C'est ça, la trajectoire de l'Afrique. Mais, dès que l'ennemi est arrivé, il a cassé ça. Après avoir volé toutes nos valeurs de civilisation, on a dit qu'on n'avait pas d'histoire. On a blanchi les momies. On a blanchi les momies. Oui, il n'y a pas d'histoire. Donc, ce sont des ennemis tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel et ils se font la guerre. Ils se font la guerre permanemment. C'est ce qu'on a écrit. Jusqu'à chaque entente du Diop, c'est ce qui était écrit. C'était ça l'histoire. L'Afrique. Après, ils sont ressaisis. Non, la Millennium a dit non. Vraiment, on s'est trompé. On va écrire l'histoire générale de l'Afrique. Vous écrivez quoi? Vous écrivez quoi? Que l'histoire générale de l'Afrique, c'est quoi ça? Vous avez d'abord nié quoi avant? Comment vous avez fait pour dire que il n'y a pas d'histoire là-bas? Vous avez fait comment? Comment c'était possible? Non, dans le cadre d'un projet géopolitique qui est clair. Qui est clair. Parce que quand il faut qu'on prenne toutes les richesses d'une terre, quand il faut arracher les richesses d'une terre, quand pour que votre expansion a pour condition la destruction des autres, mais évidemment, c'est logique, il ne doit pas avoir d'histoire. Ils n'ont même pas été des hommes. Ils n'ont pas existé. Cette affaire, si vous avez vu ça, dans le Grand Lac, non? C'est quoi l'histoire du Rwanda? C'est pas ça? C'est exactement ça. L'histoire de l'invention du déni, de la transformation des castes du travail, d'une division du travail. C'est pas dans le cadre d'une division historique du travail. Les Belges sont arrivés et ils ont créé une ethnie en isolant les traits physiques des peuples. L'autre est géant, il est longitudinal et du coup il est proche du blanc. Donc l'autre est court, il est trapu, oui, il est petit, il est trapu, donc il est proche du sauvage. Et c'est comme ça qu'on a catégorisé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui les Rwandais et les Burundais, par exemple. Ça aboutit au génocide. Au génocide. Mais pour soutenir la thèse que non, les Africains ne s'aiment pas, on vous a dit que tant que sans le blanc, ils s'entretuent. Mais cette thèse-là, ça marche encore, ça marche où? On sait que c'est Washington qui organisait tout ça. Avec ces garçons de course français, c'est connu. Bon, qu'on ait trouvé des pions comme Kagame et les autres, ça manque jamais. Mais à qui peut-on venir faire croire qu'aujourd'hui que non, ok, les Rwandais, Tutsi et les Hutus sont tellement haïs qu'ils se sont tués avec les machettes. Et que le blanc n'y est pour rien. Au contraire, c'est parce que le blanc était là que ça ne s'est pas arrivé avant. Bon, mais quand ils ont voulu commencer à remettre en cause l'hégémonie du blanc, quand on a vu que vraiment, quand ils ont fait l'erreur de ne pas comprendre qu'il faut suivre ce que le blanc dit, il y a eu génocide. Hein? Parce que l'autre voulait le pouvoir. Vous voyez, à tout prix. On exclut, on met de côté l'enjeu des Grands Lacs, qui est vieux, qui est un vieux enjeu, qui est organisé depuis la conférence de Berlin. Et qui est au cœur de l'histoire géopolitique occidentale. Qui est au cœur de la richesse occidentale aujourd'hui. Ça s'appelle la RDC. Le Congo, la zone là, le Congo. Non, tout l'enjeu là, on oublie ça. On oublie que Léopold II, n'est-ce pas, a été à l'origine de ce concept géopolitique. Et là, avec ses amis américains et tout et tout et tout. Et que toute une bonne partie de la richesse de l'Occident, bonne partie, dépend du Congo, vient du Congo. Et donc, pourquoi on justifie le fait que ces richesses là doivent appartenir à tout le monde, sauf aux Congolais? Ben, il faut les transformer en ethnies. Ça doit être des tribus qui ne s'aiment pas, qui se font la guerre, des sauvages, qui sont tellement arriérés que l'idée de nation, ils ne savent pas ce que c'est. L'idée de la détribalisation, on ne sait pas ce que c'est. L'idée de la modernité, on ne sait pas ce que c'est. Le sens civique, la cité, le civisme, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, parce que dépasser l'ethnie, monter dans la cité, ça c'est réservé aux Grecs. Et aux Romains. Comme s'il n'y avait pas les ethnies là-bas. Comme s'ils ne se sont pas entretués. Comme si les guerres du Péloponnèse, les guerres puniques, toutes ces guerres-là étaient des inventions. Les guerres médiques, tout ça, c'était les inventions. C'est ces Africains qui ont fait ça. Non, pour dire que, attention, ne reprenons pas en notre compte des trucs qu'on invente. L'ethnie n'est pas un frein. C'est pas un frein. L'ethnie est l'ethnie. Point. Sociologiquement, le fait ethnique est réel. En tant que fait, il n'est pas un frein, a priori. Il n'est pas aussi un avantage, a priori. C'est l'étude historique du fait ethnique qui permet de l'inscrire dans une dynamique historique. Et si vous considérez qu'en plus, ce sont des organisations, ils ont un chef, ils ont un pouvoir, c'est un pouvoir politique, il y a un pouvoir spirituel qui est là. Mais vous parlez de quoi? À partir du moment où il y a un tel niveau d'organisation, mais c'est de la richesse. Il y a tellement de richesses dans nos ennemis. Prenez un pays comme le Cameroun. Le jour où on mettra à profit le fait ethnique au Cameroun, attention, pas pour faire les bêtises que les gens inventent là, fédéralisme communautaire, les bêtises que les gens inventent là, ils sont à court d'idéologie, ils inventent des idéologies, des idéologies pollutionnelles. Non. L'inscrit dans le cadre national, mais qui reconnaît et valorise le fait ethnique. Ça est extraordinaire sur le plan moral. Nos ennemis sont des réserves de morale extraordinaires. Sur le plan spirituel, sur le plan des savoirs, des technologies. Vous savez qu'on s'est opéré chez nous, non? La médecine, il y a des savoirs médicaux extraordinaires dans nous, entre guillemets, dans nos ethnies. Il y a des savoirs culinaires extraordinaires. Il y a des secrets dans, des secrets pour collaborer avec la nature qui sont extraordinaires. Qu'on peut aujourd'hui aller étudier et faire des savoirs de technologies modernes. Est-ce que ce travail a même été commencé? Non, du tout. Ben alors, on nous dit maintenant qu'il faut devenir des éradicateurs des ethnies. Il faut leur dire qu'un État national, c'est un État qui rase les ennemis. Bon, on a essayé, ça a marché où? Ça va marcher. Ça va marcher. Le fait ethnique a toujours résisté à tout ce qui a tenté de l'éradier. Mais à chaque fois qu'on lui a donné une perspective supérieure, oh, l'ethnie a été une chance. L'ethnie a été une chance pour cette perspective. C'est dans ça qu'il faut inscrire, n'est-ce pas, cette problématique, n'est-ce pas, que tu as bien fait de mettre sur la table pour qu'on la décolonialise. Pour qu'on désoccidentalise la perspective avec laquelle on aborde ce problème. Non, l'ennemi n'est pas un problème. L'ennemi est là. La tribu est là. On peut en faire. C'est comme le couteau. Ça sert à faire la bonne cuisine dans la main d'une bonne mère, d'une bonne femme. Ça sert à tuer dans la main d'un bandit, d'un brigand. Ce n'est pas le couteau qui est le problème. Merci à vous, président Barakani, d'avoir été là cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Vous avez très bien compris, mesdames, messieurs, qu'il faut arrêter d'utiliser le narratif qui nous vient tout droit de l'Occident et surtout de la colonisation, pour ne pas dire le néocolonialisme, et la recolonisation de l'Afrique. Parce que sur le continent, nous sommes tous des frères, des sœurs, des pères, des mères, et nous luttons pour une seule chose, eh bien, c'est la liberté, la souveraineté du continent africain. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous. Thank you.